Run, boy, run. Run, boy, run. Run, boy, run. Field recorder. Il y a pas mal de résonances entre ce qu'on essaye de penser et puis à la fois ce qui est tenté ici en termes d'expérience pratique, mais aussi ce qui est pensé sur le plan théorique, sur le plan politique. Et donc dans ce qu'on a entendu, de la part en tout cas des organisateurs, oui, il y a pas mal de choses qui entrent en résonance. Que par exemple, ce matin, rien que la question de la puissance destituante. Nous, on ne l'a pas formulé forcément ces termes-là dans la souveraineté du devoir, mais quand on va contre l'idée de l'art de gouverner, je pense que c'est plutôt un art du passage, et justement pour essayer de penser un rapport politique qui en passe plus par l'organisation du pouvoir. Je pense que là où il y a une articulation qui peut-être manque, enfin, en tout cas nous on essaie de penser permettrait plus l'articulation entre cette expérience pratique qui mène et la pensée politique, c'est ce qu'on essaie de penser à travers la notion d'habiter ou de collectif. C'est-à-dire qu'un collectif est toujours inscrit, non pas dans un contexte, mais parce que c'est l'inscription elle-même du collectif, la formation même du mouvement collectif qui déploie en fait l'espace de son avoir-lieu. Mais cet avoir-lieu indique un mode d'habiter. Pour rebondir dessus, ça me fait penser justement que par rapport à cet habiter, par rapport au collectif, ce qui se joue mais qui est en creux, qu'on a entendu hier et qui est en creux, c'est justement un habiter qui ne soit pas que des humains. Et ça fait penser que justement là, on habite dans une maison où on a vu le versant animal de Bailly. Et dès le départ, pour dire voilà à quoi peut-être ce qui me tient, c'est que dans la nuit, avec une voiture, un surgissement d'une bête sauvage qui traverse la route, voilà ce qui peut faire événement. Voilà ce qui peut ouvrir du collectif. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est venu ici il y a un mois et au moment où on était entre chien et loup, on en a vu deux, trois qui sortaient comme ça. Tchac, de la rue, qui devient là justement pour nous un lieu habitable. Et je trouve que c'est aussi ces correspondances, on va dire, ou ces résonances qui pour nous indiquent où il y a de l'habitable. Et on a mis et habitable en ce sens oui, où on dépasse cette possibilité, ce qui était traditionnel, hein, d'une organisation a priori qui est déjà clos, on va dire, les êtres dans une certitude à soi. Parce que aussi, eux, ils s'appuient beaucoup sur le concept de forme de vie, formulé par Agamben. Et le problème de ce concept, c'est qu'en même temps, il positif d'une certaine manière, quelque chose qu'on ne sait pas trop de quoi ça parle, en fait. Qu'est-ce que c'est, une forme de vie à inventer? Mais ça paraît presque une abstraction. Une abstraction presque qui pourrait être quasiment esthétique, mais on voit pas l'inscription en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que leur mode même de vie est déjà à l'œuvre. Je veux dire, ils inventent déjà des formes de, enfin, ce qu'on pourrait dire des formes de vie. Mais, enfin, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils pensent pas justement cette l'inscription. C'est-à-dire que ça reste une espèce de concept abstrait qui est décroché. De comment ça peut se débrayer, ce déploiement de ce qu'ils appellent forme de vie. Moi, je préfère mode de vie parce que je préfère l'idée de modélisation que de forme. C'est à travers l'invention d'articulations collectives, mais qui sont liées à un habité. Donc enfin moi c'est, enfin c'est ça qui, en tout cas dans ce qui se passe ici, dans ce qui se passe en tout cas dans, dans le réseau qui est lié aux gens qui sont ici, c'est ça qui, enfin en tout cas où nous on se sent assez proche. Puis même oui, même sur le plan, enfin nous ce qu'on appelle souveraineté du dehors est assez proche de ce qu'ils appellent puissance destituante. Même si eux ils pensent toujours cette puissance destituante dans le moment de la destitution. Et c'est comme si après, c'est comment on fait pour maintenir cette puissance destituante. Mais la manière dont c'est formulé, on sent qu'ils essayent de remettre en question l'idée de souveraineté classique. Mais en même temps, la puissance destituante est encore pensée sous le mode de positif, d'une puissance qui se destituerait éternellement. Et en fait, en reprenant le concept de souveraineté, mais en le déplaçant sur le dehors, c'est-à-dire ce qui est infigurable, ce qui ne peut être jamais incarné, pur écart en fait, ce qu'on appelle aussi l'inconnu, ben la souveraineté c'est toujours ce qui échappe, et c'est parce qu'on préserve dans les manières d'articuler le collectif cet écart que la souveraineté peut se déployer, mais au sens où la souveraineté est toujours en négatif, elle est jamais oui incarnée dans une personne, dans des figures divine, ou elle est toujours ce qui travaille, en fait, c'est cet écart qui fait que le collectif peut toujours se transformer, se réarticuler, inventer de nouvelles formes d'inscription, et peut jamais être circonscrit, en fait, dans une totalité, dans une identité ou dans une unité. Ou tout simplement, pour revenir à bataille sur la souveraineté, elle n'est pas utilisable, elle ne peut pas être de l'ordre de l'utilité. Et ça, par contre, c'est aussi une chose qui, enfin, pour moi, et pas mal de, justement, tout ce qu'on a traversé ici et ailleurs, mais qui, voilà, ce qui est sous-jacent à la possibilité d'occasionner une invention politique, c'est quand même aussi la possibilité d'y inscrire le caractère sensible. C'est-à-dire, justement, toujours ce qui échappe. Et s'il y avait le mot de magie, c'est parce que, tout simplement, l'aspect opératoire n'est jamais... Ne peut jamais absolument aboutir, on n'en est jamais certain. Il y a toujours l'écart où la magie, c'est déjà rendre sensible, rendre possible, mais sous son aspect sensible, pour qu'un événement puisse être accueilli. Mais jamais ça ne se résume à un aspect opératoire. Bah, disons et que ça met en politique. Question le principe de cause à effet, quoi. Voilà. Enfin, le principe de raison. Ça, c'est une chose qui est pour nous ce qui vraiment. Ben disons que nous on l'appelle pas magie, parce que c'est vrai que ça rentre pas forcément, enfin c'est pas comme ça qu'on le formule, mais c'est vrai que dans, je vois bien dans ce qu'ils essaient de mettre sur le terme de magie, ça fait appel à des choses que nous on va chercher autant dans certaines expériences collectives, pour les enjeux d'individuation, dans des collectifs non occidentaux. Mais aussi par exemple ce qu'on a été chercher du côté d'expériences de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire comment, alors ce qui pourrait être appelé des forces psychiques, mais justement, quand on va chercher le concept de sous-jacence chez Uri, c'est pour aller au-delà du partage de psyché et soma. C'est-à-dire que c'est ce que dans un article récent qui est publié sur le romantisme, on appelle aussi le corps psychique en un seul mot. C'est-à-dire que c'est avant la possibilité même de distinguer le corps, l'esprit, il y a une zone d'indétermination qui est une forme de pur sensible. Qui touche. Qui, oui, permet au corps de se toucher, mais qui, sans répondre du principe de raison. En sens, ce qu'on appelle sensible précède, en fait, les sensations. Ce n'est pas ce qui est donné dans la perception, ce n'est pas l'idée de l'impression sensible. Non, c'est pur sensible, c'est la manière même dont les corps, et les corps à la fois, nous on pense le monde comme multiplicité des corps, en fait, il n'y a que des corps à la fois... on pourrait dire physique, des corps infraphysiques justement, des corps psychiques, on parle aussi de corps spectraux, et donc c'est comment cette multiplicité des corps se déploie. Et c'est ça le sensible, c'est les différents seuils d'advenu des corps. Et c'est ça qui fait, qui compose un collectif, c'est la possibilité de déployer cette multiplicité de corps dans l'intervalle entre les êtres. Et c'est là toute la dimension d'individuation pour nous, c'est là qu'elle se déploie. C'est-à-dire que toute individuation est aussi en même temps toujours travaillée déjà par une individuation. Donc c'est pas le sens, c'est pas le pré-individuel au sens de Simondon, dans le sens qu'il n'est pas seulement pré, il est toujours déjà à l'œuvre, c'est-à-dire il y a toujours en même temps individuation et individuation. Et c'est ce double mouvement qui permet en fait l'articulation d'un collectif. Donc, ce qui fait aussi, c'est qu'on ça permet aussi de penser ce qui est de mouvant. En fait, ce qui fait que le monde est mouvant, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas en mouvement ni en mobilité, mais mouvant, c'est-à-dire à partir duquel on ne peut pas donc le saisir. Donc après, c'est justement, ça demande à repenser aussi, tout simplement, puisqu'il est entendu plus ou moins aussi que suite à toutes les poussées qui ont été faites pour déjà dessouder la question du sujet, des subjectivités, là on essaie aussi justement de ne plus venir depuis ce support, mais depuis justement une chose aussi dont on a parlé, enfin, dont on parlera encore cette année, je pense, à ce intérieur, c'est de personne, mais comme personare. C'est-à-dire quelque chose sonne à travers, quelque chose qui fait qu'il y a quand même un creux par lequel il y a une résonance. Alors ça aussi, il faudrait peut-être aussi l'étayer avec Frédéric Nira, il nous dit, mais en parlait souvent, il faudrait l'étayer, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quelque part, on parlait toujours de résonance, quelque part contre la raison, ou en tout cas, qui fait que justement, on n'est pas du tout du même ordre, et que c'est toujours en creux. Et que la résonance suppose à distance, c'est-à-dire contrairement à la raison, au principe de raison qui suppose toujours la suture, la possibilité de déterminer là où il y a opération, c'est-à-dire le cause-effet, contraire à la résonance, ça redéploie l'écart. Donc nous, c'est pas que toute une pensée soit un petit dehors, ce qu'on appelle le dehors, c'est cet écart qui persiste à même l'ensemble des êtres du monde et qui fait que le monde peut toujours advenir, se réouvrir. Tout à l'heure, tu parlais de jaillissement, voilà, une forme toujours d'advenu qui n'est possible que depuis cet écart qui est presque. Qui est inqualifiable quasiment. On peut pas le qualifier, on peut pas lui. En même temps, c'est. Du fait qu'on est quand même auprès des corps, c'est pas un écart pur, c'est-à-dire détaché avec une forme. C'est pas du rien, c'est pas du ni transcendantal ni transcendant, c'est pas un vide, donc ça ne peut pas faire référence à un registre oriental, puisqu'on n'est plus dans des formes qui pourraient se dialectiser. C'est pour ça qu'on appelle aussi parfois l'écho des corps. L'écho des corps, c'est quelque part. Ça permet de traduire que des seuils sensibles sont toujours à l'œuvre et que sans cesse l'écart, quasiment bah comme dans. On a écouté un morceau magnifique de Charlemagne Palestine à un moment donné, c'est-à-dire que dans l'écart de ce qui soi-disant fait, ce qui paraît être une répétition, on gagne toujours dans l'écart de la répétition un écho sans cesse qui se déploie, qui se réouvre et qui en fait ne demande pas une traduction. Seconde, mais sans cesse se bouge, sans cesse les lignes. Donc en soi, on est aussi ailleurs que dans ce qui nous précédait, c'est-à-dire toujours cette pensée liée à la question de la limite, hein, donc de l'impossible, des choses qui feraient que le seuil est toujours lié à une limite, c'est-à-dire le liminaire est lié à une limite, alors que nous, le seuil, c'est toujours ce qui est absolument mouvant, et que. Et dont on en surdétermine, je dirais, un moment précis pour lui donner une mesure minimum. Donc voilà, là, c'était déjà. Alors pour revenir à ta question, je pense qu'il y a deux choses moi qui m'ont. Et qui fait que voilà, on est porté aussi à être ici, c'est que je trouve que l'ouverture qui est ici à l'œuvre, autant en pensée qu'en politique, qu'en praxis, c'est. J'entends deux choses que je trouve absolument. Pour moi essentiel, c'est la question du sensible qui fait qu'une organisation n'est plus sous le mode d'un pur volontarisme et que donc à ce moment-là aussi il faut donc accepter ce qui est du dehors, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas à un moment donné qui est insoumis à une maîtrise anthropocentrique, anthropotechnique ou à toute maîtrise calculable. Oui, ça c'est important, ça, cette question du. Enfin, du non-intentionnel, enfin, d'une absence de volontarisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans la passivité. Parce que souvent, on dit, par exemple, on a des discussions avec des amis ou d'autres philosophes qui nous disent, bah oui, mais si Si vous n'êtes pas volontariste, bah alors comment on fait en gros, comment on organise la lutte? Et on dit, mais non, au contraire, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, d'affirmation, il n'y a pas d'activité, mais c'est au contraire toujours préserver justement ce qu'on appelle cet écart. C'est toujours depuis cette trouée qu'on doit penser l'action. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est destituer l'idée d'un sujet fondateur, l'idée d'une fondation même. Donc il n'y a pas de fondation. Et c'est parce qu'on préserve toujours cet écart qu'au final, on ne va jamais suturer, créer des corps pleins, créer des identités circonscrites, mais qu'on va toujours essayer de travailler des articulations qui ouvrent des passages. Et donc, par exemple, nous, quelque chose qu'on essaie de penser sur un mode révolutionnaire, disons, pratique, c'est ce qu'on appelle la désappropriation. Alors, la désappropriation, c'est un enjeu à la fois, on pourrait dire, métaphysique, dans le sens, c'est se laisser travailler par cet écart, c'est-à-dire accueillir en nous la dimension d'individuation qui nous traverse, qui fait qu'on peut rentrer en résonance avec d'autres êtres au sein d'un collectif. Sachant qu'un collectif, on ne peut jamais en déterminer, on ne peut jamais le circonscrire complètement, on ne sait jamais où commence ou finit, parce qu'on inclut aussi dans le collectif à la fois des humains et des non-humains. Et la question aussi d'une temporalisation, on ne sait jamais à partir d'où a commencé un collectif dans le temps, jusqu'où il se... Oui, puis pour nous, il est traversé aussi par une dimension d'ancestralité. Donc l'ancestralité, on ne sait pas où elle... En tout cas, accueillir l'ancestralité, c'est vrai que nous, ce qui nous nourrit, c'est quand même plutôt l'immémorial. C'est-à-dire voilà. Le fait que l'immémorial indique que la mémoire, on ne peut pas aller chercher dans la mémoire un fondement ou une fondation. Et donc, elle reste toujours en suspens. Et donc, ce suspens, c'est comme si justement, ça nous permettait de ne pas se vivre en politique, soit sous le mode de l'affirmation pure de l'événementiel, soit d'un messianisme qui serait une attente qui fait qu'en fait le temps à venir est toujours prépondérant au temps de tout simplement des affects qui tout de suite nous met les corps, nous fait chavirer les corps, si on peut dire. En fait, dans l'immémorial, on n'a pas besoin de faire ces découpages modernes. C'est-à-dire de couper le temps dans une forme de linéarité progressive, ou comme il le dit, là, celui dont on vient, là, le physicien cumulatif, c'est pas cumulatif. Voilà. Alors c'est pour ça que justement, on a pu aussi discuter justement de ces termes, de différents types de temporalisation, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait du devenir, il y a aussi de la survivance, il y a aussi de la vivance, il y a de la persistance, c'est-à-dire quelque chose qui dit qu'une sous-jacence n'a pas eu un fondement particulier, même si elle peut toujours se reconjuguer en singularité et en se déplaçant. Et surtout, on ne met pas, on ne capitalise pas un temps à venir. Oui, c'est aussi, on pense, la contemporanéité d'une multiplicité de temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il n'y a pas un temps unique. Hier, il parlait un peu du messianisme. Si bon, ils essayent d'en faire... Ils essayent de le travailler, justement, de travailler cette question du temps à travers la question du messianisme. Nous, c'est plutôt de penser la multiplicité des temps. C'est aussi la persistance. Ça, on a beaucoup travaillé à partir de Deligny aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous inspirent, notre manière de penser, justement, l'inscription, le rapport au topos, ce qu'il appelle le topos. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu au sens aristotélicien. C'est plutôt, lui, quand il trace les lignes d'air, les lignes, il ne faut pas les penser comme des lignes positives, simplement du déplacement d'un corps. Mais c'est justement cet écart qui travaille les êtres, qui fait qu'il y a des possibles rencontres dans l'écart. Il y a du contact, enfin, ce qu'on appelle aussi, des concepts qu'on essaie de développer, c'est le concept d'écart de contact. C'est-à-dire que le contact suppose qu'il y a toujours déjà un écart. Et que la folie de l'être humain, ce serait de vouloir abolir l'écart. C'est pour ça qu'on ouvre en fait la souveraineté du dehors avec une phrase de Canetti du début de Masse et puissance. Justement, il voit dans le phénomène de masse une tentative d'abolir tout écart. Et clairement, c'est pour ça qu'on va contre l'idée d'identité, de substance pleine, et qu'à chaque fois, toujours, dans tout ce qu'on essaie de penser, c'est vraiment ça, et à travers la désappropriation, je reviens sur ça, parce que tout à l'heure, j'étais partie sur la désappropriation, donc il y a un aspect, je dirais plus, entre guillemets, métaphysique, même si nous, on essaie plutôt de parler d'infraphysique, on reviendra dessus après. et en même temps, il y a des appropriations dans un sens pratique, puisque disons, toute notre pensée va aussi à l'encontre d'idées de propriété. De propriété, d'appropriation, même de réappropriation en un sens marxiste. Et quand nous on appelle la désappropriation, c'est c'est à la fois aller contre l'anthropocentrisme, la volonté de l'homme, de mainmise sur l'ensemble des êtres du monde qui aujourd'hui se déploie une dimension, une folie, une démesure complète. On voit dans les biotechnologies, dans la génétique, dans les modifications génétiques du vivant, enfin, il y a vraiment une volonté d'accaparement, d'appropriation, presque à la base même du processus de génération des êtres. Et donc nous, ce qu'on appelle désappropriation, c'est justement déployer un mouvement qui, plutôt que de consister dans une réappropriation ou une appropriation des moyens de production, etc., c'est plutôt, au contraire, rouvrir l'espace des choses communes. Et là, on reprend notamment le concept de choses communes, on reprend, c'est un concept juridique qui désignait le domaine extérieur au régime du droit romain. Et donc nous, ce qui était pour les Romains l'extérieur de l'Empire romain, les choses communes, ou ce qu'ils appelaient aussi la nature, nous, on voudrait que ça devienne quasiment ce qui est au cœur de l'invention, justement, des collectifs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait invention des collectifs, il faut que, justement, les terres, les êtres n'appartiennent à personne. C'est ça qui permet de remettre en mouvement et de permettre une invention des collectifs. Alors ça, le terme de collectif, il est important. C'est-à-dire que ce matin, c'est marrant, il parlait de « oui, nous, on ne veut plus parler de peuple ». Parce que le peuple suppose toujours un pouvoir constituant. Et que vu qu'à travers l'idée de force destituante, il s'agit de remettre en question le pouvoir, l'idée de pouvoir constituant et donc de pouvoir constituer, on rejette ce terme de peuple et on va plutôt se reconnaître, en gros, dans le terme de tribu, de bande, etc. C'était la jeune femme qui disait ça. Alors nous, on ne va pas parler de tribu, de bande, parce que surtout dans l'usage anthropologique, ethnographique qui a été fait de ces termes, il y a toujours un côté presque identitaire derrière, avec lequel on n'est pas trop on se sent pas très à l'aise, mais justement, les déplacements qu'on essaye d'opérer, c'est plutôt sur la notion de collectif, qui est en même temps assez. Qui permet justement d'accueillir une variété de modes d'inscription, de modes de vie. Sans localiser a priori une forme de vie qui devrait être généralisée. Quoi. Au contraire, à chaque fois, l'idée, c'est qu'un collectif n'advient qu'à travers l'inscription qu'il déploie. C'est-à-dire l'articulation d'un topos, d'un mode de vie et de la multiplicité des corps qui vont en un espace-temps singulier se déployer, mais en mobilisant en même temps une multiplicité de temps qui les traverse. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais circonscrire en fait, le seuil par lequel on rentre ou on sort d'un collectif. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a un réseau de personnes qui vivent sur le plateau, qui forment plus ou moins une communauté, mais en même temps, c'est une communauté un peu floue, dont les bords sont un peu flottant, c'est pas non plus une identité de groupe. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on se sent plutôt à l'aise ici, c'est qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans une espèce de communauté fermée avec des règles hyper strictes, mais qu'il y a toujours un seuil mouvant, et que c'est ça qui permet l'invention d'un collectif. C'est la possibilité que le seuil soit toujours mouvant, qu'il n'y ait jamais une frontière qui définisse une intériorité d'une extériorité clairement posée. Parce que qui dit frontière dit pouvoir qui institue la frontière. Donc toute la question, c'est comment partir de ça, à partir du moment où on prend en compte toujours des seuils mouvants, comment articuler des passages. C'est non plus poser des frontières pour interdire ou rendre possible des entrées et des sorties, mais à chaque fois ouvrir, déployer des passages. Alors, ce qui veut dire des fois de fermer, de construire, mais ces passages, c'est pas une biopolitique de la circulation. C'est à chaque fois les passages comme possibilité de rencontre. Ça, la rencontre, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Alors, on ne sait jamais. Il faudrait peut-être que tu précises la rencontre, que ce n'est pas la rencontre entre deux entités déjà définies, mais c'est la rencontre elle-même qui ouvre, dans un même temps, l'ensemble des êtres. Donc la rencontre vient depuis, justement, un écart. Mais cet écart n'est pas simplement l'espace entre deux entités ou deux êtres ou deux sujets. C'est depuis le lieu depuis lequel peut surgir un apparaissant. Oui, voilà, ça c'est que là aussi, vu que pour nous, c'est l'écart en fait, qui à chaque fois réouvre et redéploie l'ensemble des corps. Il ne s'agit pas de présupposer des corps qui vont se rencontrer, mais c'est la rencontre elle-même, c'est un événement qui va réouvrir. Et par exemple, Deleuze, justement, on parle de devenir dans ce terme-là, c'est-à-dire que dans le devenir, on sait pas exactement où, comment, enfin, qui se rencontre avec qui. Ça ouvre un troisième. Une troisième possibilité ou un processus qui échappe en fait au terme préexistant, enfin en tout cas qu'on identifiait comme préexistant. Et pour nous, justement, ce qu'on appelle les passages, c'est laisser place à la possibilité d'une rencontre, c'est-à-dire des surgissements, des événements qui permettent une métamorphose, une transformation du collectif. Et ça, donc c'est vrai que la psychothérapie institutionnelle nous a beaucoup inspiré pour ça. Moi, j'ai fait un stage de plusieurs mois à la Borne. David connaissait assez bien la Chaînée, qui est une autre clinique de psychothérapie institutionnelle. Donc la psychothérapie institutionnelle, c'est un peu un arrière-fond aussi de notre pensée, parce qu'ils ont vraiment réussi à créer, alors là, par rapport au domaine de la psychiatrie, un art du passage. Clairement, ce qu'ils appellent le mouvement institutionnel, qui n'est pas l'institution, ce qui distingue le mouvement institutionnel d'établissement, justement. Le mouvement institutionnel, c'est un mouvement permanent qui doit sans cesse réouvrir des passages, rendre possible des rencontres. Donc ça demande ça demande un espace dans lequel tout ça puisse se déployer, dans lequel les êtres puissent divaguer librement, dans lequel ils puissent se réunir, dans lequel ils puissent aussi se séparer, dans lequel les seuils peuvent être sans cesse redessinés en fonction des nécessités du mode de vie qui tente de s'inventer sur le plan du collectif. Parce que, notamment dans un hôpital psychiatrique, à la fois il y a tous les phénomènes de transfert, mais aussi des fois des décharges de violence possibles, il y a des décharges affectives très importantes. Donc toute la question du passage, c'est comment, sans cloisonner les gens, comment faire que... c'est ce que développe Houry, c'est parce qu'il y a passage, qu'un transfert peut se déployer, qui peut amener une transformation, et que quelqu'un qui était catatonique va un jour par la possibilité des circulations et des passages multiples qui se déploient dans cet espace ouvert, qu'une rencontre va pouvoir se produire qui va transformer le catatonique, même si c'est une micro-transformation, mais ça peut peut-être tout simplement ouvrir quelque chose. Et c'est, du coup, c'est comment à chaque fois sans cesse réouvrir et réouvrir. Et ça, une effectivité. Je veux dire, quand on est à la bord, on voit, au début, quand on arrive, on a la sensation d'une espèce de chaos. Et petit à petit, on voit que c'est en même temps très structuré. Il y a vraiment quelque chose en arrière-fond. C'est pas du tout le bordel, pas du tout. Mais le sentiment de chaos, c'est parce que justement, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est pas la hiérarchie qui organise le collectif, c'est pas l'idée d'un fondement, d'une autorité qui organise le collectif, mais c'est la multiplicité de tous ces passages qui sont inintentionnels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas a priori par où ça doit passer, où peut se produire la rencontre, donc il faut déployer un espace et un temps dans lequel ça peut la rencontre est possible, de l'événement est possible. Et c'est ce que Deligny appelle un topos. Le topos, c'est cet espace-temps qui s'ouvre et dans lequel du passage est possible. Et c'est pour ça que la question de l'habiter est importante, parce qu'elle suppose du topos. C'est-à-dire que c'est pas le peuple, il est où le peuple ? On a l'impression qu'il est comme ça, suspendu dans le vide, qu'il n'est pas inscrit dans un espace-temps. Ou c'est un espace-temps, mais presque complètement abstrait, en fait. L'état-nation, c'est un espace-temps construit par un appareil. C'est pas une inscription sensible, justement, qui est liée à des possibilités de circulation, de passage, qui est liée à des corps. Et c'est pour ça aussi, justement, qu'on s'appuie sur le terme de pathique, hein, qui vient un petit peu, je dirais, le pathique qui vient dire un petit peu cet espacement sensible des corps qui sans cesse peuvent être amenées à se toucher, donc à se transformer, à ouvrir d'autres possibles. Et donc, Kish, à partir de Weizsäcker, permet tout simplement de le distinguer de cette question de l'ontique ou de l'être, et donc de le désincarcérer, entre guillemets, d'une présence à soi ou d'une présence même au monde. Qu'est-ce qui ferait monde à partir d'un soi, puisque malgré tout, avec Heidegger, on ne s'en sort pas malgré tout, puisque le Dasein, c'est toujours lui qui a la possibilité de faire monde. Et donc, à ce moment-là, le Patik, ça nous permet à nous aussi, dans un même temps, on va dire autant sur un plan infraphysique, puisque ça ne se donne pas, a priori, c'est quelque chose qui... C'est pas saisissable. Qui est, voilà, c'est ce qui est l'ordre de la sous-jacence, et en même temps, sur un plan politique, d'ouvrir des régimes sensibles et, comme on le dit, habités. C'est-à-dire véritablement où on ne désinscrit pas les êtres depuis une surface normative, un territoire politique, hein, une surface de projection, hein, mais quelque chose qui déjà nous engage à faire corps.